Chapitre 21. Comment Kriemhild voyagea. Laissons chevaucher les messagers. Nous vous ferons savoir comment la reine voyagea à travers le pays et où Giseler et Gernot se séparèrent d'elle après lui avoir rendu le service que l'affection leur commandait. Ils chevauchèrent jusqu'à Fergen, sur la Tuonuv, aujourd'hui Mering près d'Ingolstadt. Il y existait autrefois un passage sur le Danube. Là, ils demandèrent congé à la reine, car ils voulaient s'en retourner vers le Rhin. La séparation ne put se faire sans que les amis dévoués ne versassent des larmes. Giselher le rapide dit à sa sœur, « Si tu as besoin de moi, ô dame, ou si tu crains quelque danger, avertis-moi, et pour ton service, je chevaucherai jusque dans le pays d'Etzel. » Ceux qui étaient ses parents lui baisèrent les lèvres. En ce moment, les amis de Kriemhild firent de tendres adieux aux hommes du margrave. La reine conduisait maintes vierges gracieuses, 104 qui étaient vêtues de riches vêtements d'étoffes magnifiquement peintes. On portait de larges boucliers à côté des femmes pendant la route. Plusieurs superbes guerriers se séparèrent d'elles pour rentrer en leur pays. Le reste de la troupe s'avança rapidement, descendant à travers le Bayerland. La nouvelle se répandit de l'arrivée d'hôtes nombreux et inconnus. Là où il existe encore aujourd'hui un couvent et où l'Inn mêle ses flots rapides à ceux de la Tuonuv, dans la ville de Pazuv, Passau, le castra Palava des Romains, siégeait un évêque. Tous les logements furent désertés et aussi la cour du prince. Chacun se précipita dans le Bayerland, vers l'endroit où l'évêque Pilgrim rencontra la belle Kriemhild. Ce ne fut certes pas un chagrin pour les guerriers du pays de voir toutes ces belles vierges qui suivaient. Ils courtisèrent du regard ces filles des nobles chevaliers. On donna de bons logis à tous les étrangers. On leur procura à Pledelingen ce dont ils pouvaient avoir besoin. De toutes parts, on voyait accourir la foule. On leur donnait volontiers ce qu'ils désiraient et ils l'acceptaient avec courtoisie. Il en fut ainsi partout. L'évêque et sa nièce chevauchèrent vers Pazuv. Quand on eut dit aux habitants de la ville que Kriemhild arrivait, la fille de la sœur du prince, elle fut bien accueillie par tous les marchands. L'évêque espérait que ses hôtes séjourneraient quelque temps avec lui, mais le sire Ekevart prit la parole. « Cela ne peut être. Nous devons descendre vers les terres de Rudiger. Un grand nombre de guerriers nous attendent car ils sont instruits de notre approche. » La nouvelle en parvint à la belle Götelind. Elle se prépara en hâte, elle et sa noble fille. Rudiger lui avait fait dire qu'il lui semblait bon qu'elle consolât le cœur attristé de la reine, en chevauchant à sa rencontre avec ses hommes jusqu'à Lens. C'est ce qui fut fait. On vit de toutes parts les chemins couverts de gens qui allaient à la rencontre des étrangers, à pied et à cheval. La reine était arrivée à Eferdingen. Bien des hommes du Bayerland auraient voulu dépouiller les voyageurs suivant leurs coutumes, et peut-être les eussent-ils dangereusement assaillis, mais le margrave Altier les tint en respect. Il conduisait 1000 chevaliers, et même davantage. Et voici venir Götelind, la femme de Rudiger. Maint bon guerrier la suivait en magnifique équipement. Quand on fut arrivé dans la plaine près de Lens, au-delà de la Trune, la Traun, rivière qui se jette dans le Danube. On y vit dresser de toutes parts tentes et pavillons sous lesquels les étrangers devaient passer la nuit. Les vivres étaient offerts aux guerriers par Rudiger. Götelind la Belle quitta son logement pour marcher en avant. Sur la route s'avançaient maints coursiers superbes aux brides retentissantes. La réception fut très belle et Rudiger en eut grande joie. Ceux qui arrivaient des deux côtés par le chemin chevauchaient magnifiquement. Que de vaillantes épées étaient là. Maintes jeunes filles regardaient les joutes qui avaient lieu. Le service de la reine n'était certes pas à charge aux chevaliers. Quand les hommes de Rudiger arrivèrent auprès des étrangers, que de tronçons de lances volèrent dans les airs, brisés par la main des guerriers dans leur jeu chevaleresque. On jouta pour prix devant les dames, puis on s'arrêta. Les hommes se saluèrent mutuellement avec grande cordialité. On conduisit ensuite la belle Götelind là où elle aperçut Kriemhild. Ceux qui étaient disposés à servir les dames n'eurent guère de loisir en ce moment. Le chef de Berlaren chevaucha vers sa femme. C'était un bonheur pour la margrave de le voir revenu sain et sauf des bords du Rhin. Le poids qui pesait sur son cœur avait fait place à une grande joie. Quand elle l'eut salué, il lui dit de mettre pied à terre sur l'herbe avec toutes les femmes qui l'accompagnaient. Mains nobles hommes étaient là très affairés. Ils mettaient le plus grand zèle à rendre service aux dames. Quand la reine Kriemhild vit venir au-devant d'elle la margrave avec sa suite, elle ordonna de ne point aller plus avant. Serrant la bride, elle aussi arrêta son cheval et pria qu'on l'enlevât aussitôt de la selle. On voyait l'évêque conduire vers Götelind la fille de sa sœur, de concert avec Ekvart. Au même moment, tous s'écartèrent. L'étrangère baisa Götelind sur la bouche. La femme de Rudiger parla très affectueusement. « C'est un grand bonheur pour moi, ô chère dame, que j'ai pu de mes yeux contempler votre beauté en ce pays. Rien de plus agréable ne pouvait m'arriver maintenant. Que Dieu vous récompense, très noble Götelind, dit Kriemhild. Si le fils de Botelung et moi nous conservons la santé, ce pourra être un bonheur pour vous de m'avoir vue. À toutes deux était inconnu ce qui devait arriver. » Les femmes se rencontrèrent avec grande courtoisie. Les guerriers étaient prêts à les servir. Après les salutations échangées, elles s'assirent sur le trèfle. Elles apprirent bien des choses qu'elles ignoraient complètement. On versa du vin aux dames, c'était vers le milieu du jour. Mais la noble compagnie ne se reposa point longtemps en cet endroit. Elle se dirigea vers les pavillons de verdure préparés pour elle, où se trouvait en abondance tout ce dont elle avait besoin. On se reposa la nuit, jusqu'au matin de bonne heure. Ceux de Berlaren firent tous les préparatifs nécessaires pour recevoir tant d'illustres hôtes. Rudiger avait fait en sorte que rien ne leur manquât. Le bourg de Berlaren était ouvert et aucune des fenêtres dans les murs n'était close. Ils entrèrent chevauchant les étrangers qu'on voyait volontiers. Le noble seigneur leur fit offrir toutes les commodités désirables. La fille de Rudiger et sa suite s'avancèrent pour recevoir la reine avec la plus grande prévenance. La femme du margrave était présente, ainsi que les jeunes filles qui se saluèrent affectueusement. Elles se prirent par la main pour se rendre dans un vaste palais très bien décoré, devant lequel coulait la Tuonuf. Elles s'assirent aux croisées et leur divertissement fut grand. Je ne puis vous dire tout ce qui se fit encore là. Ils partirent à regret, les guerriers de Kriemhild, et on les entendit se plaindre, car leur peine était réelle. Ah, que de bons chevaliers partirent avec eux de Berlaren! Rudiger leur offrit gracieusement ses services. La reine donna à la fille de Götelind 12 bracelets d'or rouge et de très beaux vêtements. Elle n'apportait rien de mieux au pays d'Etzel. Et quoique le trésor des Nibelungen lui eût été enlevé, elle gagnait le cœur de tous ceux qui la voyaient avec le peu de biens qui lui restaient. De grands dons furent distribués à la suite du chef. De son côté, la dame Götelind traita avec honneur et aussi avec grande affabilité les étrangers du Rhin, de sorte qu'il y en eut bien peu d'entre eux qui ne reçurent point de pierreries ou de riches vêtements. Quand ils eurent pris le repas du matin et au moment de partir, la dame du logis offrit ses plus dévoués services à la femme d'Etzel. On caressa beaucoup aussi la charmante fille du margrave. Elle dit à la reine, « Si jamais cela peut vous plaire, je sais que mon père m'accordera volontiers d'aller vers vous dans le pays des Yunn. » Kriemhild sentit bien qu'elle lui était toute dévouée. Les chevaux étant prêts, ils furent amenés devant Berlaren. La noble reine prit congé de la femme de Rudiger et de sa fille. Beaucoup de belles vierges se séparèrent aussi avec force salutations. Elles ne se revirent plus guère après ces jours-là. De Médilic, on apporta maintes riches coupes d'or, dans lesquelles on versa du vin pour les étrangers sur la route. Ils étaient les très bienvenus. En ce lieu siégeait un seigneur appelé Astolt, qui leur montra les chemins à travers l'Osterland, vers Mutaren, en descendant la Tuonuf. Österreich, l'Autriche, le pays de l'Est, l'ancienne Ostmark, que Charlemagne établit contre les Avars et les Hongrois. Là, on s'empressa de rendre hommage à la reine. l'évêque se sépara enfin de sa nièce avec de grandes démonstrations d'attachement. Avec quelle ardeur il lui souhaita de vivre heureuse et de s'acquérir de la considération comme Helsch l'avait fait. Oh, que d'honneur elle obtint depuis chez les Yunen. Ensuite, on mena les étrangers vers la Traisen. Traisenfluss qui se jette dans le Danube, près de Melk. Les hommes de Rudiger les servirent avec zèle jusqu'à ce que les Yunen arrivassent, chevauchant par les plaines. On rendit de grands honneurs à la reine. Près de la Traisen, le roi du Yunenland possédait un vaste bourg qui était très célèbre et qui s'appelait Zeitzenmühr, actuellement Trasmaur, sur la rive gauche du Traisen, le Trigisamum des Romains au passage des monts Commagène. Là siégeait naguère Dame Helsch. Là, elle pratiquait ses nombreuses vertus d'une façon que nul ne surpassa, si ce n'est Dame Kriemhild, qui aussi se plaisait à donner. Après toutes ses infortunes, elle pouvait bien jouir du bonheur d'être honorée par les hommes d'Etzel. Ses héros lui vouèrent le plus grand respect. La domination d'Etzel était reconnue au loin, et en tout temps, on trouvait à sa cour les plus vaillants guerriers et les plus renommés parmi les chrétiens et parmi les païens. Ils étaient tous accourus auprès de lui. Toujours chrétiens et païens étaient réunis à sa cour. Rien de comparable n'existe plus, et quelle que fût la façon de vivre de chacun, la bonté du roi faisait que tous recevaient de quoi être satisfaits.